casse. Y'a que dans ton lit que je trouve un peu de bonheur. J'ai tellement de soucis, je voudrais t'offrir mon cœur. Souhaiter les clients, les couvrir de cadeaux. Leur payer le restaurant, leur faire croire qu'ils sont bons. Prendre leur moment star, je trois mois sur le dos. Ma chérie, je surnage, t'es ma bohème, mon Eldorado. Si tu savais, comme je pense à toi. Pour ma chérie, tu te dirais, c'est fou ce qui mène ce mec-là. Si tu savais comme je t'aime, chérie, si tu savais comme je t'aime. Mais tu sais, c'est dur d'être un homme d'affaires. Tu sais, j'ai des problèmes avec mes employés. Les ouvriers se plaignent d'être trop mal payés. Je vais vous leur expliquer quelle est la situation. Ils veulent pas croire que la Rolls, c'était une occasion. Si tu savais, comme je pense à toi. Oh ma chérie, tu dirais, c'est fou ce qui m'aime ce mec-là. Si tu savais comme je t'aime, chérie, si tu savais comme je t'aime. Mais tu sais, c'est dur d'être un homme d'affaires. Je t'aime, que tu sais, c'est dur d'être un homme d'affaires.